l'exhaleur. Ouais, je te raconte un avant-goût de ce que je vis avant tout. Assis sur mon banc de touche, j'ai pris le ciel pour que la vie me rembourse sous la grande ours. J'aurais grandi sans voir les miens ravis. Comprends le paradoxe, on vit l'enfer et vend du paradis. Les enfants jouent, toujours naïfs pendant que les parents se vouent à une vie triste. Personne n'est né en connaissant l'enjeu. Et puis j'ai plein de problèmes, je t'avoue que j'ai du mal pour les fuir. J'essaye par les formes, à quoi sert au fond d'en parler bien. Je réussirai sans prétention d'avoir le potentiel. Mes potes le savent, la vie est courte, on fera la fête au ciel. La vie est vaste, je veux la connaître avant même qu'elle se sauve. Mais qui peut se vanter de côtoyer vraiment la vie hier? J'ai cru la percevoir, je faisais tout pour la voir. Et en fin de compte c'est vrai, elle va trop vite et j'ai perdu sa voix. Peut-être que j'avais peur de savoir ce qu'elle me réservait de sérieux. J'en sais rien mais je la retrouverai, lirai dans ses yeux. Moi je sais ce que c'est de suer pour rien. J'ai conçu du son pur et simple et précis, mais sûrement pas assez. Sinon mec ça aurait changé, je me serais déjà rangé. Je continue pour assurer les miens que ça viendra un jour. Et je m'applique afin que ma clique m'applaudisse. Rien de magique, je fais toujours tout pour qu'ils apprécient. Être présent autant que patient, faire preuve de compassion. Et la compétition dans l'amitié amène la trahison. Et puis comme tous, je veux être fier de moi, avoir ma vie tracée. C'est pour ça que je voyagerai demain. Je remercie ma mère et ce qu'elle a fait pour moi avec ses belles syllabes. Si tu m'écoutes, c'est grâce à elle que je suis là. À écrire ça comme je le veux, comme je le sens, comme je le vis, comme je l'entends. Tout ce que je vois, tout ce que j'apprends, moi. Qu'on me teste ou pas, je reste calme. C'est l'exhaleur et t'attends pas à me voir dans un triste état. Ouais, je respire autant de fois, mais que j'espère. Inspire le respect, la vérité m'intéresse tant est-ce clair. Ce que je déclare, ma voix éclaire l'éclat de mes pensées. Communiquer puis via le départ quand le débat est clos. Une chaîne sans fin, une chanson faite pour tout ce manque de chance. Pour ceux qui aiment méchants, ouais pour mes gens qui font tout pour que ça change. C'est Alexandre et je me balade au fond de la cour des sages. Un jour viendra, je ferai passer le message, on comprendra mes phrases. L'amour une comédie qui n'apparaît qu'en court métrage. Quand on te prend la vie, on te la rend pas et je veux mourir en paix. Courir après le bonheur et ouais c'est pas rentable. Et je l'attends pas, quand je fais ce texte et y'a rien de lamentable. Ouais demande à tous mes proches, franchement gars, j'ai que mon cœur pour raconter ma vie à moi et qui pourra me contrer. Même les sourds m'écouteront, je laisse personne de côté. Pareil que je suis précoce pour mes projets comme la progéria. Faisant le tri où peu d'entre eux pourront rester entiers, je serai toujours là à l'heure pour remettre les pendules à temps. Je peux pas m'y faire, on parle de la misère avec la joie. Je préfère ma musique que de m'amuser à déterrer l'argent. Déconner, sache que c'est pas conseillé. Je crois qu'on obtient beaucoup dès qu'on est sache. Ce que le monde sait pas, c'est que le bonheur se déguise souvent méconnaissable. Faut donner sans recevoir et savoir être reconnaissant. Ouais, ouais. Et savoir être reconnaissant. Ouais. Courageusement. Courageusement. L'exhaleur. Ouais. La fine équipe. 2007. Du 4100 ou 78. Ah. L'esprit critique. Esprit critique.